au-delà, survivance de l'esprit, du contact avec l'au-delà, une approche scientifique crédible. Information 03 20 52 56 40. Paysage électronique seconde édition jusqu'au 14 mai inclus sur l'île. Cette année encore, retrouvez le meilleur de la scène électronique régionale, nationale et internationale à l'aéronef, au Biplan, l'Agora, la cave des Célestines ou encore l'îlot Comtesse de Lille. Programmation complète disponible au 08 70 72 00 59 ou sur paysage-électronique.com. 11e édition du festival L'Enfance de l'Art du 9 mai au 9 juin inclus sur Wattrelos. Au programme, conte, danse, théâtre, musique et chansons. Une programmation exceptionnelle, des meilleurs spectacles tout public. Quelques exemples, EO par la compagnie Myriam Douge ce samedi 13 mai 15h au CSE. Petit Jojo, théâtre de marionnettes, mercredi 17 mai 15h à la boîte à musique. Programme disponible à l'office de tourisme, rue Carnot, 03 20 75 85 86. Retrouvez toutes ces informations et bien d'autres encore sur galaxyfm.com. Galaxy. Always. I'm not afraid to die. in my power to choose the manner of your death.